23h sur Atlantique Radio. Disque d'or avec Youssef Zrari. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Disque d'Or. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui vient de commencer à l'instant avec ce titre du Supersonic Blues Machine accompagné à la voix par Billy Gibbons de ZZ Top et qui s'intitule Runnin' Whiskey. Donc ce morceau ouvre cette nouvelle semaine et comme le veut l'usage, un petit sommaire de nos albums hebdomadaires. Présentation donc de l'album live d'abord qui s'intitule Keystone Companions. C'est un live qui a été enregistré en 1973, a attendu une bonne quarantaine d'années avant d'être publié et qui réunit Jerry Garcia de Grateful Dead à Merle Saunders. Nous en parlerons dans le détail en troisième partie d'émission. En deuxième partie pour l'anthologie, nous reviendrons sur l'épisode psychédélique de la Motown avec le premier album, album éponyme du groupe The Indisputed Truth. Et quant à la nouveauté, eh bien c'est le nouvel album de John Mayall. Ça s'appelle Talk About That. C'est avec le titre éponyme de cette nouvelle parution de John Mayall que nous allons commencer notre soirée. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler qu'entre 22h30 et 23h, nous vous réservons la dernière demi-heure de l'émission. C'est vous qui faites la musique qui passe dans le disque d'or. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de partager un coup de cœur musical avec nos auditeurs, il suffit d'aller sur Facebook, taper Disque d'Or Atlantique Radio et envoyez-nous en inbox ou sur le mur votre suggestion. Nous l'écouterons tous les soirs entre 22h30 et 23h. Et sinon, retour à la musique, passons à la nouveauté de la semaine, Talk About That, le nouvel album de John Mayall. La découverte Disque d'Or. Tell me so. Many respectable ladies think about, talk about that. Yeah, talk about that. Life hasn't always been easy. I had many ups and downs. So many situations, so many to the ground. It doesn't always mean to take it on the chin. Get yourself back in gear. There's always something gonna set you back, but I'm not gonna live in fear. I'll be standing right here to tip my damn hat. I'll be back on my feet again. Talk about that. Chers auditeurs, Talk About That, c'était le titre éponyme de son tout nouvel album qui vient à peine de sortir. Alors John Mayall, ces derniers temps, on l'a souvent écouté puisqu'il s'est affairé à ressortir certains enregistrements qui datent surtout des lives qui ont 30-40 ans et qui vient de remasteriser, qu'il a ressorti pour l'occasion. Nous en avons écouté deux l'année dernière. Et là, il revient avec ce nouvel album, composition originale, où il reste bien sûr dans un blues bien traditionnel comme il a toujours été, mais de temps en temps balance par-ci par-là quelques petites épices funky pour le coup, là, pour le titre qu'on vient d'écouter, mais on retrouvera, et vous allez le voir, un peu de country, un peu de rock, mais toujours une base bien bluesy. C'est la nouveauté de cette semaine. L'album s'appelle Talk About That, nous en parlerons dans le détail dans les jours qui viennent, c'est promis. Et sinon, tout de suite, un deuxième extrait, It's Hard Going Up, et on se retrouve juste après. was a preacher, we used to hear him say, you can't put a good man down, just ain't no way. He said good and evil travel hand in hand, living won't be easy, but do the best you can, cause it's hard. It's Hard Going Up, John Mayall dans le disque d'or. John Mayall qui sera toute cette semaine dans le disque d'or, puisque je vous le rappelle, nous découvrons son tout nouvel album Talk About That, dont est extrait ce titre. Prochain doublé dans notre émission, c'est avec Joanna Connor, un morceau bien punchy, bien rock, It's a Woman Day. Et juste après, on passera à Booker T. Jones avec ses MGs, une jolie instrumentale qui s'intitule Soul Dressing. Rock! disque d'or. Jusqu'à 23h. Et Soul, le blues rock avec Joanna Connor qu'on a écouté sur It's a Woman's Way, et à l'instant interlude instrumental Soul de Booker T. Jones, c'était Soul Dressing. Tout de suite, et avant de passer à l'anthologie, je vous propose les incontournables Tedeschi Trucks Band, Suzanne Tedeschi, Derek Trucks avec That Did It. Thank you.

Disque d'or avec Youssef Zrari. I got something. Nostalgie, disque d'or. Like a bolt of lightning, love struck me down. You really upset my soul. I fell in love with you the first time I saw you. I've been trying to let you know, but I can see you're in love with somebody else. So take my love and put it on a shelf. And when you find Save My Love for the Rainy Days, c'était les Undisputed Truth. Ce morceau ouvre leur premier album, sorti en 1971 sous le label Motown. Alors oui, c'est la Motown, même si on n'est plus du tout dans le son traditionnel de la Motown, on est dans quelque chose de différent. En fait, on est dans la vision psychédélique de la soul de Norman Whitfield. Norman Whitfield, qui est l'un des maîtres à penser du label, qui a été à l'origine d'un grand nombre de tubes Motown, et qui a proposé certains des morceaux qu'il avait écrits au Undisputed Truth, qu'il a réuni autour de cette vision du psychédélique soul. Et cet album, le premier du groupe, leur album éponyme, a ouvert ce qu'on appelle l'ère de la soul psychédélique. Et c'est de cette ère-là qu'on parlera toute cette semaine. On écoutera également l'intégralité de cet album, mais déjà tout de suite, je vous propose un deuxième extrait qui s'intitule « You Got the Love I Need ». That's what I get when I'm around. You got the love I need, c'était les Undisputed Truth. Ce morceau est extrait de leur premier album que nous allons écouter toute cette semaine puisque c'est l'album de l'anthologie. Il est sorti en 1971 et c'est le premier album psychédélique du label Motown. Alors pour la suite, je vous propose d'écouter les Temptations qui ont été, comme les Undisputed Truth ont été le premier laboratoire psychédélique de Norman Whitfield, les Temptations ont été le premier laboratoire funk de Norman Whitfield et je vous propose de les écouter sur Runaway Child, Running Wild. Et puis, juste après, on passera toujours à ce funk un petit peu nasty avec Esther Phillips qu'on va écouter sur One Night Affair. Big city. 21h-23h. No more. All I want is a one-night affair. l'ordre, nous étions avec les Temptations, Runaway Child, Running Wild. Et juste à l'instant, on écoutait Esther Phillips avec One Night Affair. Et tout de suite, et avant de passer au live de ce soir, je vous propose un dernier tube Motown, Superstition, avec Stevie Wonder. Youssef Zrari. live du soir. Thank you. C'était One Kind Favor, un classique du blues repris ici par Jerry Garcia et Merle Saunders. Jerry Garcia, vous devez le connaître, il s'agit de l'ancien leader, chanteur et guitariste de Grateful Dead. Et Merle Saunders est un peu moins connu, il est surtout connu des musiciens. Alors il a sorti quelques albums sous son nom, mais il a surtout travaillé avec d'autres musiciens pour l'enregistrement de leurs albums, en les accompagnant pour des concerts. Alors pour ne citer que il a travaillé avec Paul Pena, avec Bonnie Raitt, avec le groupe Widespread Panic, avec Miles Davis ou encore B.B. King, mais il n'est pas réellement connu du grand public. C'est un virtuose de l'orgue, ce fameux instrument Hammond B3, mais il n'a pas réellement de style ou de genre particulier. Il s'adapte aux musiciens avec qui il joue. C'est pour ça qu'il a pu travailler avec des musiciens au style et au registre tellement différents. Et donc, dès qu'il avait un petit moment que Jerry Garcia n'était pas avec Grateful Dead, ils se retrouvaient donner des concerts. En 1973, ils en ont donné un dans cette fameuse salle de Keystone à Berkeley, en Californie. Et près de 40 ans plus tard, en 2012, sortait l'album live. C'est celui qu'on écoute. Et c'est de cet album qu'est extrait le morceau suivant, Mystery Train. Cold watches long. Thanks a lot. We're going to take a break for a little while and come back in a little bit. Mystery Train, c'était Jerry Garcia et Merle Saunders en live du Keystone Salle qui se trouve à Berkeley en Californie pour le live de cette semaine, je vous le rappelle. Alors tout de suite, un dernier doublé avant de retrouver votre playlist, un doublé soul puisque je vous propose Sharon Jones pour commencer, Stranger to My Happiness, suivi d'Emetters, plutôt funk, avec Keep on Marching. I've seen plenty of places that Disque d'or jusqu'à 23h. Voici à présent avec votre playlist, avec vos suggestions, avec vos coups de cœur pour ce soir. Alors une adresse hein, internet pour participer à cette rubrique, c'est une adresse Facebook, c'est très simple, c'est Disque d'Or Atlantique Radio. Allez-y, envoyez-nous un message en inbox sur le mur avec votre suggestion, avec un message, une dédicace, une histoire à nous raconter avec le titre que vous nous proposez, puis nous écouterons tout ça entre 22h30 et 23h. Alors ce soir, on va commencer avec Younes qui nous propose un très joli morceau de Tony Joe White. Ça s'appelle Ain't Going Down This Time. conversations with the wall. Hanging on. I'm just trying to matter. And I remain trying to make some sense of it all. Going down this time, c'était Tony Joe White dans le disque d'or et dans votre playlist pour être plus précis. C'est un morceau qui nous a été proposé par Younes. Hassan, quant à lui, nous invite à passer au répertoire de Lou Reed puisqu'il nous propose Temporary Thing. Was getting hard to risk. Think Lou Reed pour Hassan. Pour Abdel Ilah, ce sera les Red Rider du Canada avec ce titre Lunatic Fringe. Arctic Fringe, c'était Red Rider dans votre playlist et on va changer de registre à présent avec Fed qui nous amène vers le reggae jamaïcain, même s'il s'inspire d'un morceau bien américain, un titre de Chuck Berry, Johnny B. Goode. On va écouter la version de Peter Tosh. C'était Peter Tosh sur Johnny B. Goode, morceau proposé par Fed. Et on va maintenant terminer avec Shaima qui nous invite à conclure l'émission de ce soir avec de la poésie en musique. Le morceau s'appelle How Does It Feel Now? C'est une performance live d'Aqua Naru. Très jolie performance avec laquelle on va bien terminer l'émission de ce soir. Alors, je vous donne quant à moi rendez-vous demain, 21h, pour un nouveau numéro et je vous souhaite, en attendant de nous retrouver, une excellente fin de soirée sur Atlantique et avec Aqua Naru. Yeah. butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play make-believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue. A stink attitude so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do. But you. I want to make love to your existence. Drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I want to drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. Does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me what you like that. Now what you like that? Tell me what you like that. What you like that? Tell me what you like that. What you like that? I'm asking you again now. Tell me. Around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. Thank you. see that sound. And we would be the band to play it. Disque d'or avec Youssef Zrari.